On écrit ce putain de son le 15 mars 2017. Vers Marseille, déjà eu 15 morts. C'est chaud la nuit en boîte. Quand on sort, tout le monde est sur les nerfs. Agent, tout le monde est cool. Quand ça boit, ça s'insulte les mères. Moi, ça y est, j'ai tout arrêté. Comme le charbon, je vais pas me faire encore arrêter. Ça y est, j'ai purgé. Maintenant, je pense à mes gosses. Crois pas que tout est facile chez nous, même Hugo Boss. C'est ça la vie de quartier. Quand t'as tes habitudes, c'est dur de partir. Ouais, le mal t'attire. C'est la merde. Pour une meuf, ça tire. C'est pour ça que je vais me casser. Je reste célib, j'évite ta sœur. Que des petites sommes dures de tasser. Comme le pétard que t'as roulé. Mais c'est du comme tu t'es fait rouler. Tu t'es fait rouler. Ils font les fous, ils parlent de nous. Quand on est pas là, t'entends que des phrases de jaloux. C'est chaud dans les parages, y'a des choses volées dans le garage. Voilà la roulotte, toi l'étalage. En promenade, ça descend sa lame. Quand y'a trop de soleil, ça reste à l'ombre. Ils font les fous, ils parlent de nous. Quand on est pas là, t'entends que des phrases de jaloux. C'est chaud dans les parages, y'a des choses volées dans le garage. Voilà la roulotte, toi l'étalage. En promenade, ça descend sa lame. Quand y'a trop de soleil, ça reste à l'ombre. Sors du bloc, j'ai le boucan, je vais m'en faire. Oh, j'ai tout pété, tu n'as pas à t'en faire. J'pile sur colle, écoute le son là, c'est un single. La petite pleure parce que je suis ton idole. Toi ça te fait rire, mais moi je rigole pas. L'ami ça brise mes ailes, pour ça que je m'envole pas. J'suis qu'un rappeur, j'ai pas de charbon, et non mec, j'vole pas. Tu pleures sur ton sort, ouais mec, la vie c'est un combat. Soit tu fais du sport pour oublier, soit tu te mets sous vodka. Les jolles poussent la tolle et qu'à l'avocat. Tu parleras peut-être moins calibre dans la boca. J'ai toujours l'impression de perdre mon temps. Je les couilles à l'envers. Pour moi pas de clash ou un pari. J'ai des potes à Marseille, à Nanterre. Ils font les fous, ils parlent de nous. Quand on est pas là, on entend que des phrases de jaloux. C'est chaud dans les parages, y'a des choses volées dans le garage. Voilà la roulotte, toi l'étalage. En promenade, ça descend sa lame. Quand y'a trop de soleil, ça reste à l'ombre. Ils font les fous, ils parlent de nous. Quand on n'est pas là, on entend que des phrases de jaloux. C'est chaud dans les parages, y'a des choses volées dans le garage. Voilà la roulotte, toi l'étalage. En promenade, ça descend sa lame. Quand y'a trop de soleil, ça reste à l'ombre. On fait pas les chaussettes. Ouais, j'mande à mon bzaïs aux aides. Toujours en survette, on se met jamais surveille. Tout le monde veut être dans l'arène. Marseille, c'est devenu Harlem. T'es cramé comme ce mec qui boite et qui a des types comme femme. Ils font les fous, ils parlent de nous. Quand on n'est pas là, on entend que des phrases de jaloux. C'est chaud dans les parages, y'a des choses volées dans le garage. Voilà la roulotte, toi l'étalage. En promenade, ça descend sa lame. Quand y'a trop de soleil, ça reste à l'ombre. Ils font les fous, ils parlent de nous. Quand on n'est pas là,